الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ما هي القاعده الخامسه؟ C'est quoi le mutafouid? C'est le fait de dire que le sens de la chose on la connaît pas. Non. Il faut mutafouid pour le sens. C'est remettre la chose à Allah en fait. Mutafouid. Et en fait, la corrida, c'est pas ça en soi, mais ça amène à ça. La corrida, c'est que tout ce dont Allah spontané nous a informé. On en connaît le ma'ana. Le ma'ana est connu. Et ça, c'est un bab qui vient pour rad sur les mufawwida. Qui eux disent que on renvoie le sens des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في التأويل. Dans le ta'wil. قال التأويل لغة ترجيع الشيء للغاية المرادة منه من الأول وهو الرجوع. لغة تأويل c'est le fait d'envoyer la chose au but attendu. Revenir à ce que cette chose ce qui est voulu par cette chose-là. On fait du stylaire, souvent traduit par interprétation. La Hakim, il y a différents ma'ani pour le ta'wil, comme on va les prendre aujourd'hui. On fait du stylaire, rad al-kalam, il ghayat al-murad minhu, bi sharh ma'nahu, ou husul muqtadahu, ou yutlaq ala thalathati ma'ani. Donc là, stylaire, c'est quoi? C'est le fait d'envoyer la parole au sens voulu, en expliquant son sens, ou ce qu'elle implique. Et cela s'applique, ce terme, ta'wil, et istilahan, s'applique sur trois choses. Trois choses. Là, on va les prendre. Donc là, c'est le fait de renvoyer kalam au sens voulu, en expliquant soit le sens de cette chose-là, ou en démontrant ce qu'implique le sens de cette chose-là, même s'il n'est pas apparent directement. Yutlaq ala thalathati ma'an. Al-awwalu est tafsir. Le premier sens sur lequel on applique le ta'wil, le tafsir. Tafsir ma'ruf. Huwa tawdih al-kalam bi dhikri ma'nahu al-muradu bihi. Wa minhu qawlullahu ta'ala an sahibi sijn yukhatibani Yusuf. Donc c'est le fait d'éclaircir une chose en décrivant son sens, le sens qui est voulu de cette chose. Comme par exemple, l'ont dit les deux compagnons de prison de Youssouf, ils lui ont dit, dans le sens, informe-nous de son interprétation, c'est-à-dire du rêve. Surat Youssouf, verset 36. Donc, l'ont traduit par interprétation. D'accord? Mais dis-nous, que veut dire ce rêve en fait? C'est un taudir. Explique-nous que veut dire ce rêve. Le sens voulu par ce rêve. Ou par ses rêves. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. Ou ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit comme dua pour ابن عباس, il a dit oh Allah, fais-lui comprendre la religion et enseigne-lui le ta'wil. C'est-à-dire le tawdih des choses dans le Coran principalement. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله. Ibn Abbas, on a pris sa parole hier, dans laquelle il dit que je suis parmi ceux qui sont ancrés dans la science, ceux qui connaissent le ta'wil, c'est-à-dire du Coran, les sens du Coran. Parmi eux, Qur ibn Jarir ou غيره من المفسرين تأويل قول الله تعالى أي تفسيره. Lorsqu'on dit ta'wil de la parole d'Allah, c'est son tafsir. C'est-à-dire, tu expliques qu'est-ce que cette parole-là veut dire. Parce que des fois, elle peut avoir un sens en apparent et le verset veut dire autre chose. Donc, comment tu le sais ça? Par son tafsir. قال وتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. Ce ta'wil, il est connu par les gens de science. On l'a pris hier. D'accord? وَمَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Comme dans le verset. المعنى الثاني مال الكلام لحقيقته. Deuxième sens, c'est le fait de ramener la parole à sa réalité. À sa réalité. فَإِنْ كَانَ خَبَرًا فَتَأْوِيلُهُ نَفْسُ حَقِيقَةَ الْمُخْبَرَ عَنْهُ وَذَلِكَ فِي حَقِّ اللَّهِ كُنُهُ وَذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ فِي حَقِّ اللَّهِ كُنُهُ وَذَاتُهُ وَصِفَاتُهُ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ طَلَبًا فَتَأْوِيلُهُ امْتِثَالَ مَطْلُوبٍ. Donc là maintenant, ça revient à quoi? Deux choses. Soit tu. Si jamais c'est une information, alors le ta'wil de cette information, c'est quoi? C'est la réalité de la chose dont tu informes. Et on a expliqué, en ce qui concerne Allah, son zat et ses sifat, nous on ne connaît pas. Par contre, si jamais c'est un talab, parce qu'on a expliqué la différence entre le khabar et le talab, ça rentre dans l'inja, comme on l'a pris dans le fiqh, c'est le fait d'appliquer cette demande. Si c'est un talab, c'est-à-dire c'est une attente, une chose qu'on attend de toi, son ta'wil, c'est le fait d'appliquer cette demande. Sa réalisation, on va dire. Ah non, réalisation, ça va venir après. C'est que tu appliques cette demande. Ça va apparaître avec les amsilas. Quand on a mis ça, le khabar. Khabar, un exemple du khabar. قُلُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ. Est-ce qu'ils attendent sa réalisation? C'est quelle réalisation? De la promesse d'Allah. Donc ça, c'est une chose, le comment ne nous est pas connu. Le jour dernier, le jour de la résurrection, voir les alikas. C'est une chose. Est-ce que sa réalité, on la connaît ou on ne la connaît pas? On connaît le sens, mais on ne connaît pas la réalité. قال أي ما ينتظره هؤلاء المكذبون إلى وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. هذا كما قلنا. Que ces gens-là, ils attendent la réalité de ce dont ils ont été informés. De leur résurrection et de leur remise des comptes. Et ça, cette réalité-là, on ne la connaît pas. ومنه قال الله تعالى عن يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. Qu'il est dit, Yusuf, voici donc la réalisation de mon rêve que mon Seigneur l'a rendu vrai. Donc là, il a dit quoi par ta'wil? Réalisation. Que ce rêve s'est réalisé. Son rêve s'est réalisé. Ça, c'est l'exemple de quoi? Il khabar. Après, Mithal et Talab, قال قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم disait beaucoup dans ses sujouds et dans ses recours ce dua là. Et en fait, ça veut dire quoi? Qu'il appliquait le Coran. Il appliquait le Coran. Et de quel ordre s'agit-il? Min kulli Allah azza wa jal, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sourate An-Nasr. Donc là, c'est quoi dans le Coran? Il dit quoi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Parce que tu vois les gens entrer en masse dans la religion. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il faisait dans son recours, dans son sujoud, à la fin de sa vie. Ça, c'est principalement la fin de sa vie. Car ce verset est venu, il s'est dit, « Nasrullahi wal fath ». Ibn Abbas, il a été interrogé. Que veut dire ce verset-là? Il veut dire, en fait, que ton heure, elle arrive. Ton délai, il est proche. Omar ibn Khattab était dans une assise avec ses conseillers, parmi eux des anciens, et il les interrogeait à propos, et là, il a fait venir Ibn Abbas. Ibn Abbas était encore jeune. Et ces gens-là, ils ont dit, mais nous, on a des enfants comme lui, on n'a pas besoin de lui. Tu vois? Après, il a cité cette sourate. Il a dit, que dites-vous du sens de cette sourate? Ils ont dit différentes choses. Après, il a dit à Ibn Abbas, que dis-tu de cette sourate? Et il a expliqué, si jamais ton heure, elle arrive, ton délai est proche, alors fais telle et telle chose. D'accord? Et Omar a dit, ma alamu illazi ta'lamu anta kadhalik. Je ne connais que ce que tu as dit toi aussi, pareil. C'est pour montrer à quoi ces gens-là, qu'il a beau être jeune et petit, si je l'ai ramené, c'est pas pour rien. Et dans cette masse-là, il était plus savant que vous. Pour dire que le petit ou le jeune, faut pas le dénigrer. Il peut avoir des choses que tu n'as pas. وتقول مثل آخر فلان لا تعاملوا بالربا يتأول قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. Également, tu dis Fulan ne fait aucune transaction avec du riba. Pourquoi? Car il applique la parole d'Allah, dans le sens où il dit que Allah a permis la vente et a interdit le riba. Surat al-Baqara 275. T'as quoi après toi? Wattawil biyad al-ma'ana majhul hatta yakor. Hein? والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. Ça c'est un ta'wil, on ne le connaît que lorsqu'il arrive. Ce qu'on appelle la réalisation. D'accord? Ce qu'on appelle la réalisation. On ne sait cela que lorsqu'il arrive. Après l'explication qu'on a pris hier. Fi qouli la azza wa jal wa ma ya'lamu ta'wilahu ila Allah. Alors je dis là, voici ma. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَى اللَّهِ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّونَ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Que seuls connaissent son interprétation, Allah et les gens ancrés dans la science, ils disent, nous y croyons et tout provient de notre Seigneur. Donc là, il y a probabilité que le sens voulu par là, c'est quoi? Tafsir. Comme on l'a expliqué hier, le sens, le tafsir des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, par leur sens apparent, il est connu par des gens de science. Et l'autre hypothèse, si on s'arrête, وَمَنْ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَى اللَّهِ, on s'arrête là, c'est qu'en fait c'est la haqiqa de la chose, seul Allah subhanahu wa ta'ala la connaît. Hier on a expliqué ça. Donc les deux sont interprétables. قال فنحن نعلم معنى الاستواء انه العلو والاستقرار وهذا هو التاويل المعلوم لنا ولكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها وهذا هو التاويل المجهول لنا. مثلا nous on connaît le sens de l'istiwa et le sens d'élévation et d'instauration. Ça c'est le ta'wil qui nous est connu à nous. Maintenant le kayfiya et la haqiqa on ne les connaît pas. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته ونميز الفرق بين هذه المعاني فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. Et كذلك, on connaît l'essence de ce que Allah nous a informé, de ses noms et de ses attributs. On arrive à différencier entre tous ces noms-là. Mesela, on connaît l'essence de l'haya, la vie, l'ilm, la qudra, capacité, le sam, l'oui, le basar, la vue. Et كذلك, نعلم أن الحياة ليست هي العلم وأن العلم ليس هو القدرة وأن القدرة ليست هي السمع وأن السمع ليس هو البصر وكذا باقية الصفات والأسماء لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكننها التي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. Donc on sait également que la haya ce n'est pas l'ilm et que l'ilm c'est pas la qudra et que la qudra c'est pas le sama ou le sam c'est pas le basar et toutes les sifat كذلك الأسماء. Cependant, on ignore l'haqa'iq, la réalité de ses sens et de leur entité par rapport à Allah Azza wa Jal. Donc ça, ce sont, chez les salafs, les deux sens connus de ta'wil, qui sont, en premier lieu, at-tafsir, ou en deuxième, de ramener la parole à sa haqiqa. Et celle-là, elle est deux sortes, on avait dit, khabar wa talab. Khabar wa talab. Qala, المعنى الثالث التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح للمعنى المرجوح للدليل يقتضيه. Le troisième sens de ta'wil, c'est le fait de sortir le terme du sens apparent et prépondérant vers un sens qui l'est moins, et cela se base sur une preuve qui y amène. Et ça, c'est le ta'wil qu'on a pris dans quoi? Le mu'awwal. Dans usul al-fiqh. C'est exactement ça, le mu'awwal. Et أن تحمل المعنى اللفظ على معنى مرجوح هذا بدليل يقتضي que tu prends ce mot là et tu l'amènes à un sens qui n'est pas le sien à la base et cela te base sur un dalil. قال وإن شئت فقول صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر للدليل يقتضي. Et si tu veux, dis, c'est le fait de sortir le terme de son apparent se basant sur une vers un apparent qui s'y oppose en te basant sur une preuve. Tu fais une chose, elle a un apparent. Et ça, tu l'interprètes par un autre sens qui s'oppose à cet apparent. Mais pourquoi? Tu as un dalil qui te le montre. Tu as un dalil qui te montre que ce sens-là, ce n'est pas ce que tu crois là en apparent, mais c'est autre chose. Et ça, c'est un stylaire qui est très réputé chez les muta'akhirin. Ceux qui parlent dans le fiqh et dans les usul. Et également, beaucoup de ceux qui parlent dans les Asma wa Sifat Kazalik, ils connaissent cette forme de ta'wil. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est bon ou mauvais ce ta'wil? Hal huwa mahmoud ou mazmoum? Hal huwa haqq am batil? Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? On dit, si jamais in dalla alayhi dalilun sahihun fa huwa haqqun mahmoudun yu'malu bihi wa yakunu min al-ma'na al-awwal ta'wil wa huwa tafsir. Donc si jamais maintenant il est réel, il a un dalil authentique, alors ce ta'wil, il est bon. On l'accepte et on l'applique. Et là, il prend quel sens? Le sens de tafsir. Qu'on apprend en premier. Il prend un sens de tafsir. C'est-à-dire que le kalem, tu l'interprètes selon le sens voulu. Et des fois, le sens voulu n'est pas forcément son apparent. À la base, on prend l'apparent. Mais parfois, on a un indice ou un dalil. Yaqtadi sarf même si comme ça, des fois qu'on arrive à savoir quand est-ce qu'une chose elle est mustahabba ou makruha. T'as un hadith, il est apparent. L'apparent, c'est un ordre. Ou c'est un nahi, une interdiction. Donc la base, c'est que c'est l'obligation, c'est l'am, c'est le wajib. L'am, il y a le wujub. Ou le nahi, il y a t'a dit le tahrim. Après, t'as un autre dalil qui vient, qui te sort ce hadith ou ce verset de son apparent pour te dire en fait là c'est pas une obligation mais c'est une chose qui est mustahab recommandée. Ça c'est pas une interdiction, c'est une chose qui est makro. Ou réel et zalika. Quand elle a l'exemple, qu'Allah ta'ala ata amrullahi fala tasta'jilu. Le décret d'Allah est arrivé, alors ne le précipitez pas. Surat Nahl, les abeilles, verset 1. ماذا المراد لا اتى امر الله le verbe là il est en quel temps اتى امر الله c'est quel temps le verbe là mardi donc ça veut dire quoi qu'il est déjà arrivé pas même et pourtant les gens les mufassirun disent non le sens voulu c'est il va arriver l'apparence c'est un mardi c'est-à-dire que c'est déjà arrivé c'est quoi l'indice fala tastajilu. Ne l'attendez pas précipité, ne vous hâtez pas dans cette chose-là. Même c'est un amr. Et ce amr, yudul ala mazal mustaqbal. Le fi'l, amr, à la base, il a un sens du futur. Quand on te dit, fais telle chose, t'es pas en train de la faire forcément. Des fois oui, mais des fois non. Là-bas, t'es pas en train de la faire. Donc on a un verbe au passé, et après on a un ordre qui vient derrière par rapport à ce truc au passé. Ce qui prouve que cette chose qui est citée au passé, en réalité, elle n'est pas encore arrivée, elle doit arriver. Donc là, on a un dalil qui dit que on interprète ce verset fil mustaqbal. وكذلك بكل الله عز وجل في ذكرة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Si jamais, en français ça apparaît pas. En français, ce que ça apparaît pas, malheureusement. Mais en réalité, fa'i dhikrata al-Qur'an. Si jamais tu lis le Coran, alors cherche refuge auprès d'Allah du shaitan. Ar-Wajim. En arabe, c'est quoi? Fa'i dhikrata. Qara'ta, c'est quoi comme verbe? Mardi. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un qui lit, qui ne connaît pas la tarjama du sens, il va dire quoi? Un arabophone, il va dire c'est un verbe au passé. C'est-à-dire, si tu as lu auparavant, alors tu l'istirava après. D'accord? Et pourtant, c'est quoi le délai qu'on a? C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait avant de lire. Fa ma'na idha qara'ta al-Qur'an ay idha arata an taqra' al-Qur'an. C'est ça le ma'na. Si jamais tu veux lire le Qur'an. Et nous, dans la tarjama du sens, c'est venu directement. Donc les gens, quand ils lisent souvent, par exemple, le Mus'haf, ils le lisent tarjama en français. Le jour où ils lisent en arabe, ils ont directement le sens. Ils savent déjà. Mais quelqu'un qui ne sait pas, quand même, il a besoin de savoir ce genre de choses. Ou aussi, d'où l'importance d'avoir une traduction fidèle. C'est-à-dire une traduction fidèle, car tu peux te faire induire en erreur, gravement. J'ai déjà eu des masahif, les sifat, elles ont été muharrafa. Elles ont été altérées. Le salam saq, ça a été traduit comme étant la vision d'horreur. Pour les alikas. Faire attention au tarjama des ma'ani. Tu penses qu'ils sont connus pour des gens fiables. Après, il dit وَإِنْ لَمْ يَدُلْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ كَنَ بَاطِلًا مَذْمُومًا وَجَدِيرًا بِأَنْ يُسَمَّ تَحْرِيفًا لَا تَأْوِيلًا. Maintenant, si jamais tu fais un ta'wil n'étant basé sur rien du tout ou sur un dalil que tu crois qu'il y a un dalil qui n'en est pas un, alors là, il est ba'atil, il est mazmoum, il est mauvais. Et ce ta'wil est rejeté. Et il est plus en droit d'être appelé tahrif que ta'wil. Comme le font les mu'attila. Ils font le tahrif. Et ils te disent, nous, fais le ta'wil. Parce que ta'wil, c'est un mot qui est connu par les gens, ça ne fait pas fuir. Alors que tahrif, c'est un sens, dès le début, tu sais que c'est un truc qui est ba'atil. Les asha'ira, ils font ça. Yu'awilu nasifat. Donc là, on sait directement que c'est mauvais. Car ils sortent la chose de son sens apparent, d'une chose qui n'est pas un dalil sur leur aql. Comme ils n'acceptent pas, mais ça me la sifat, ils l'interprètent. Mais ils n'ont pas de dalil pour faire ce qu'ils font. Aucun. Donc on dit, nous, on reste sur la base. N'akhouz bi zahir. Misal dhalika, qu'allullahu ta'ala, ar-Rahman, ala l'arche, istawa. Le Rahman, ça se trouve sur l'arche. Taha, verset 5. فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل. Donc c'est quoi l'apparent? Que Allah SWT est élevé au-dessus de son trône d'une élévation qui lui convient, qui lui revient. Donc c'est ça qui est voulu. Et eux, ils ont fait un ta'wil de istiwa par istawla. Istawla. Ils ont fait un tahrif ma'nawi wa lafzi. Ils ont fait un tahrif du sens et même du terme. Ils ont changé les lettres. Et istawla, ça veut dire s'emparer, dominer, contrôler une chose. C'est ta cool. Istawla al-adou ala al-qariya. Que l'ennemi s'est emparé, a dominé, a pris possession de la contrée, ma falen. Donc ça, c'est un ta'wil qui est barati de mazmoum. وتحريف الكلام عن مواضعه لانه ليس عليه دليل صحيح. Il s'est une altération du texte de son sens d'origine car il n'y a pas de dalil. ومن كان يفعل هذا كذلك في التحريف يحرفون الكلمة عن مواضعه. Qui c'est qui fait ça? Comme l'Ash'ira. Dans le Coran, elle les cite clairement qu'ils font cela. Les Yahoud, ils changent les textes de leur apparent. Comme on l'a expliqué, au lieu de dire hitta, ils ont dit hinta. Hitta qui veut dire pardon, hinta qui veut dire du blé. Pourquoi? Pour arriver à amener les gens vers ce qu'eux ils veulent. il cache des versets, comme on l'a pris déjà dans des histoires. Ils changent les sens. Ils font les ta'wilat ba'atila pour que les gens rentrent dans ce qu'ils dans le sujet de leur passion. Wal'a'adhu billah. Donc, هذا الذي اخذنا اليوم هو التأويل. Le ta'wil a deux sens de tafsir, d'interprétation, de réalisation. Et également, ce ta'wil, il peut sortir un terme de son origine, c'est un dalil qui te le prouve. Si ce n'est pas le cas, ça s'appellera comment? Un tahrif, comme le font les gens du Baratil. La fumada. Fais-le, Huna. Walhamdulillah, Rabbil Alameen.